La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 418-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de basketball avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment vas-tu? Ça va bien Pascal. Normalement, si ça continue à bien aller, les joueurs de la NBA vont être appelés pour le 1er juin. Ouais, ben le 1er juin, non, je pense que le 1er juin, on va connaître, les joueurs vont connaître de quoi ils vont s'en tenir par rapport à... OK, mais moi, la manière que j'ai vu ça, c'est qu'il allait être rappelé. Non, écoute, Danny, je vais pas t'ostiner, ouais. Si je me trompe pas, je pense que sur ESPN, ils parlent que le 1er juin, ils vont connaître un peu en anglais, on dit guideline. Okay. Donc, ils vont avoir de l'information. Le 1er juin, ils devraient avoir de l'information par rapport à un éventuel retour. OK. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui s'en vient parce que, tu sais, Danny, il y a beaucoup de joueurs qui ont rien fait parce qu'ils n'ont pas accès à rien du tout. Ça va prendre on parle de 3 semaines de préparation. Maintenant, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en ce moment. Fait qu'il y a un retour des joueurs extérieurs. Est-ce qu'il y a un isolement une fois que... Je te donne un exemple. S'il y a un joueur qui joue pour comment je pourrais dire? Meilleur exemple, Jimmy Butler est en Californie en ce moment. Ouais. Et lui, il joue pour Miami. Okay. Fait que là, si l'équipe décide de se regrouper, il va falloir qu'ils reviennent. Là, qu'ils prennent l'avion, ça prend des demandes spéciales. Je ne me trompe pas pour prendre l'avion ou pour se promener. Après ça, une fois que chaque équipe récupère les joueurs, est-ce que les joueurs restent dans un hôtel près de l'équipe? Est-ce que, fait que c'est ça qu'on va savoir le 1er juin, d'après moi. Puis Orlando ou Las Vegas, ou ça va être dans deux villes? J'ai lu que, je pense que c'est Orlando Disney World. Je pense que c'est un endroit... Écoute, le nombre d'hôtels, tu peux mettre beaucoup d'équipes. Tu es capable d'installer beaucoup d'organisations dans ces endroits-là. On sait que les matchs vont jouer probablement la prochaine année d'année sans spectateurs. La prochaine année, tu parles de même la prochaine année parce que la NFL, on voit que la NFL, le hockey travaille sans spectateurs. Ouais, OK. Je parle de spectateurs. Ouais. Je pense que les organisations professionnelles veulent qu'il y ait des matchs. En ce moment, on sait qu'il y a un 20%, 30%, je n'ai pas les chiffres exacts, de revenus qui vient de la vente de billets. Okay? 30%. La NBA, je pense que c'était à peu près, c'est moins que ça. Mais, OK. Ouais. Mais au niveau télévisuel, au niveau c'est sûr que la NBA, c'est très, très, c'est reconnu mondialement. Là, c'est une des ligues les plus écoutées. Fait que c'est sûr que de voir les matchs, d'utiliser les matchs, c'est ça qui est important. Fait que ce qu'on veut accomplir, c'est d'avoir des matchs. Est-ce qu'on rentre directement dans les séries? Est-ce qu'on fait des matchs de saison régulière? Est-ce que c'est toutes les équipes en passant? Est-ce qu'on prend les 30 équipes ou on prend les 16 dans les playoffs? Tu comprends ce que je veux dire, Danny? Fait que il y a beaucoup de choses à penser. Aussi, je sais pas si tu as eu la chance de voir Larry Nance Jr. Lui a la maladie de Crohn. Okay. Fait que lui, il faut qu'il fasse très attention. Okay. Jusqu'à dire qu'il n'est pas prêt. Lui en particulier, il y a des joueurs qu'on ne connaît pas leur situation. Ouais, mais c'est parce que lui, un gars comme Larry Nance, il peut faut qu'il quasiment qu'il reste en isolation le plus possible, loin de tout le monde. Fait, testé ou non, Danny, il ne peut pas prendre de risque d'avoir quelque chose. Tu comprends? Je vais donner un exemple. On a ouvert les écoles la semaine passée. Il y a déjà 2 cas dans des écoles primaires à Trois-Rivières de COVID, de 2 enfants. Ouais, mais c'est ça ouais, mais c'est parce que si t'as la maladie du Crohn puis t'as la COVID, oui, les risques de mourir sont énormes. Ouais. Tu sais, on voit des personnes âgées de 85 ans, Danny, qui ont survécu à la COVID, là, parce qu'ils étaient vraiment en santé, ces gens-là. Tu comprends ce que je veux dire par là? La raison pourquoi, tu sais, si on prend le Québec, sur les 3000 décès, il y en a au-dessus de 2000, c'est des personnes âgées dans les CHSLD. Mm. Puis tu sais très bien, Danny, que lorsqu'une personne rentre dans un CHSLD, il reste entre 6 mois à 1 an à vivre, d'une manière ou d'une autre. Tu sais, fait à quelque part, mais t'as des gens qui ont des conditions que la COVID va vraiment est quasiment une condamnation à mort. Tu comprends ce que je veux dire par là? Je suis pas un docteur, Danny, toi non plus, mais si je me fie à ce que Larry Nance Jr. a dit, il a dit 6 mois, je décide de ne pas jouer. Est-ce que je vais être pénalisé? Il y a peut-être des joueurs qui vont refuser. Fait quelqu'un comme lui, tu sais, puis là, est-ce que tu retournes dans ta famille? Est-ce que tu restes? Est-ce que tu emmènes ta famille? Je veux dire, il y a beaucoup de questions. Je pense qu'on va, comme tu dis, on va le savoir plus à partir du 1er juin. Okay. Puis, mais c'est sûr que financièrement, Danny, entre nous deux, là, toutes les ligues professionnelles, que ce soit basket, hockey, football, baseball en particulier, les quatre majeurs, puis on peut même aller avec la MLS. Ils perdent énormément d'argent. Et chaque propriétaire, eux autres aussi, ils perdent non seulement dans leur sport, mais dans leur business personnel. Tu sais. À part le propriétaire d'Amazon qui est rendu un trillionnaire, je pense. Il y a Netflix aussi. Netflix progresse. Tout ce qui a rapport à la vente en ligne ou à l'achat en ligne ou la télévision, à quelque part, c'est sûr que dans une situation comme ça, il y a toujours des gens, il y a beaucoup de gens qui vont s'appauvrir, il y a toujours des gens qui vont s'enrichir. Ouais. Pascal, une grosse nouvelle, évidemment, on connaît Greg Freak, mais là on en a parlé la semaine passée avec des joueurs qui commençaient à laisser aller la NCAA, mais là, le frère de Greg Freak, lui, il avait le choix d'aller dans la NCAA, puis lui, il a décidé d'aller en Europe. Ben, c'est plusieurs raisons, c'est le plus jeune des, je pense qu'ils sont 4 ans. Est-ce qu'il est bon? Oui, non, il est très bon. En ce moment, il n'est pas classé top 100 dans les meilleurs joueurs secondaires. OK? Okay? Ouais. Mais physiquement, il ressemble à Giannis. Okay. Fait qu'il y a déjà les attributs. Tu sais, le meilleur exemple que je peux te donner, Danny, quand Pau Gasol était dans la NBA, Pau Gasol a été repêché par Memphis. Okay. Il a emmené son petit frère à Memphis. Son petit frère jouait dans une école secondaire à Memphis. Son petit frère, en passant, c'est Mark Gasol. Okay? Mark Gasol n'était même pas sur la liste de meilleurs joueurs au secondaire aux États-Unis. C'était à l'époque de son temps au secondaire, je pense qu'il faisait même 300 livres. Là. Il n'était même pas en forme. Lui, il est retourné à Barcelone. Puis, il a été repêché, je pense, après 1 ou 2 saisons à Barcelone. Il a été repêché par les Lakers. Et lorsque les Lakers ont échangé pour Pau Gasol, ils ont échangé le frère ils ont échangé Mark Gasol à Memphis. C'est ça que Mark Gasol s'est retrouvé avec Memphis et son frère s'est retrouvé avec les Lakers. Mais juste pour te dire que le frère de Giannis, il a la génétique. Et lui, c'est un Européen, là. Il a son passeport grec, tout ça. Fait que lui, il retourne en Europe. Il peut, financièrement faire beaucoup d'argent, même à un jeune âge. Et puis, je pense qu'il va se développer un peu comme le Mellow Ball le fait. Là, il va jouer contre des hommes. Il ne jouera pas contre d'autres jeunes de 18, 19, 20 ans. Il va jouer contre des hommes de 25, 30 ans dans une ligue professionnelle. Je ne serais pas surpris qu'il retourne en Grèce. Mais c'est sûr qu'il peut être dans n'importe quel pays en Europe. Mais je pense que la décision pour lui de retourner en Europe, probablement financièrement, c'est encore mieux. Mais entre nous deux, je pense que son frère, je pense que la famille est correcte. Ouais. Avec les deux plus vieux frères qui sont dans la NBA. Mais ça va-tu? Puis le plus jeune, le troisième en passant est avec les Lakers. OK. Mais ça va-tu? Certainement qu'il va être surveillé parce que juste à cause, c'est le frère de l'autre. C'est sûr, il va retourner en Europe. Et il va continuer à se développer, prendre la masse. Et je serais pas surpris que dans un an ou deux, il soit déjà meilleur que 50 ou 60 des jeunes qui sont classés avant lui aux États-Unis. C'est juste par rapport à qui il est. Puis, c'est, faut pas oublier une chose, quand tu vas jouer en Europe, t'es considéré comme un joueur étranger. Dans le cas du frère de Yanis, c'est un joueur local. Donc, il peut faire une équipe et jouer avec deux joueurs étrangers. Mais l'Europe a toujours été bon jusqu'à... Je me souviens, à l'époque, Tony Parker, je peux te le dire, parce que Samuel D'Alembert jouait pour St. Patrick High School, et le coach recrutait Tony Parker pour venir jouer à St. Patrick High School. Puis Tony Parker, finalement, a décidé de rester en France avec le Racing, et puis il a été repêché 29e par les San Antonio Spurs à 19 ans, tu sais. Fait que des fois, tu as une décision à prendre. Je pense que de plus en plus, les joueurs de très haut niveau, qui ont beaucoup de talent, le chemin de la Ligue de développement de la NBA, de se faire repêcher ou d'aller jouer en Europe. Tu sais, si tu es un gros nom, Danny, puis tu as un club en Europe qui t'offre 1,5 million, je pense pas que c'est une mauvaise décision, là, au lieu d'aller jouer à Duke, exemple. Zion puis RJ Barrett auraient pu aller en Europe facilement, eux autres, pour je sais pas combien d'argent. C'est sûr qu'ils ont pris une assurance. Et puis, la NCAA voit ce qui s'en vient. C'est pour ça que la NCAA, maintenant, va laisser les athlètes signer des contrats de commandite individuelle, même s'ils jouent pour une université. Pascal, ESPN a sorti... avant de parler du show d'ESPN, je veux te parler de Last Dance, la sortie d'Horace Grant. Comment tu as trouvé ça? Ben, tu sais quoi, je suis pas surpris. Horace Grant... Ouais. Horace Grant a fait deux commentaires. Tu sais, disons la vérité, Danny. Je suis un des plus gros fans de Jordan. J'adore Michael Jordan, le joueur de basket. On connaît pas les personnes. J'adore Isaiah Thomas. Ouais. On connaît pas les personnes. OK, il y a des gens qui ont mal paru parce que, tu sais, on n'a pas montré beaucoup d'erreurs de Michael Jordan. Mais tu sais quoi, Danny? Moi, j'étais un entraîneur, j'étais un jeune entraîneur des années 90 après l'université. Je me souviens très bien. Je me souviens de l'erreur de Scottie Pippen de ne pas vouloir embarquer quand il restait 1,5 secondes. OK? Je me souviens de certaines choses qui s'est passées. Horace Grant a toujours été jaloux. Horace Grant a toujours été jaloux. C'était le troisième joueur après Jordan puis Pippen. Dans le documentaire, c'est vraiment un documentaire de Michael Jordan. Il appelle ça The Last Dance. C'est pas vraiment un documentaire des Bulls de Chicago. C'est pas. Mais tu sais quoi? Il n'y aurait pas eu 6 millions de téléspectateurs si c'était Scottie Pippen puis Horace Grant. Si c'était juste les Bulls. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, Michael avait quelque chose à dire. Moi, je pense qu'on n'a pas fait un mauvais portrait de Scottie Pippen, mais on a quand même montré certaines choses négatives de Scottie Pippen. Et Jordan a dit deux choses que Horace Grant n'a pas aimé. Lorsque le Sam Smith a écrit le livre de Jordan Rule, OK, je pense que c'était la première ou deuxième année que Horace Grant... Tout le monde savait dans la NBA, tous les journalistes, Stephen A. Smith l'a dit la semaine passée, tout le monde savait que Sam Smith allait tout le temps manger avec Horace Grant. Il était toujours avec Horace Grant. Fait que c'est sûr que même 25 ans, 30 ans plus tard, Michael, il est convaincu que c'est Horace Grant qui a donné l'information de ce qui se passait dans les pratiques, de ce qui se passait. Tu comprends-tu? Et l'autre chose que Horace Grant n'a pas aimé, c'est, je ne sais pas si tu t'en souviens au début, quand on a parlé de Jordan, sa première année dans la NBA, il y a eu un commentaire qui disait les Chicago drug addicts, une affaire de même, tu sais. Puis, qui prenait de la drogue. Puis là, Michael, il a dit, ouais, je suis arrivé, j'ai cogné à la porte. Là, j'ai vu l'équipe, puis il y avait des femmes, puis il y avait de la drogue, puis il y avait de la bière. Puis j'ai décidé de pas rester là, tu comprends? Puis Horace Grant, il a pas aimé ça. C'est parce que Jordan a dit quelque chose que tout le monde sait qui se passe dans la NBA, qui se passait dans la NBA, qui se passe probablement encore aujourd'hui, mais c'est des choses que tu parles pas en public. Ouais. Fait que c'est sûr que Scottie Pippen n'est pas content parce que Scottie Pippen, on a mis un emphase sur le côté négatif. Moi, je pense que Scottie Pippen a quand même eu un bon portrait. Jordan a toujours dit qu'il serait pas Jordan sans Scottie Pippen. Je pense que c'est le compliment ultime à Scottie Pippen. Mais dans le documentaire, on n'a pas vraiment vu Jordan faire un bon portrait au niveau des 10 épisodes de Scottie Pippen. On a montré beaucoup d'erreurs. Tu comprends? On a montré Scottie Pippen qu'il a mal au dos, il s'en va dans le vestiaire, il revient. T'sais. On n'a pas montré l'effet positif. Moi, je suis plus j'aurais aimé ça voir des choses plus positives de Scottie Pippen. OK. OK. OK. Qu'il y ait un grudge contre les Pistons puis Isaiah Thomas, ben ça c'est la vie. Puis Horace Grant, je m'en fous un petit peu. Ouais. Je pense que la seule. On sait que Horace Grant et Scottie Pippen étaient de très bons amis. Mm. Fait que je pense que, tu sais, Danny, si tu acceptes de faire partie de, exemple, une docu-série de Pascal Jobin, puis tu fais un commentaire, puis quand tu vois le documentaire, moi je parle contre toi. T'es comment? Tu sais, hier, j'ai écouté une émission avec Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, j'ai dit, moi, j'ai toujours adoré Michael Jordan. Puis ce que j'ai aimé de l'émission, c'est que Jordan, quand il est arrivé, ils ont à peu près un an de différence, lui, puis Isaiah Thomas. Mais Isaiah Thomas, il a fait seulement 2 années d'université, OK? Ouais. Mais pendant plusieurs années, si tu prends la fiche de Isaiah Thomas contre Michael Jordan, c'est comme 32 victoires à 16, là. Tu sais, au niveau des matchs pendant les saisons régulières, tout ça. Tu sais, Isaiah Thomas a dominé Michael Jordan. Et lorsque Jordan a passé à travers les Pistons de Détroit, qui était la fin des Pistons de Détroit, Isaiah Thomas commençait déjà à être vers la fin parce qu'il y a eu une grosse opération à sa cheville. Ouais. Ça, dans le documentaire, on n'en parle pas de ça. Okay. Moi, je pense que le documentaire, il n'y aurait pas... Mais les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est pas Isaiah Thomas qui a battu Jordan. C'est pas Horace Grant qui a supporté Jordan. C'est un documentaire sur Michael Jordan et la dernière année. Mais c'est un documentaire. Je vois que Steve Kerr, en 2020, sachant qui il est maintenant après avoir gagné avec les Spurs, après être devenu un des meilleurs coachs de la NBA et avoir gagné avec les Warriors, et je trouve que Steve Kerr, il a une grosse place dans le documentaire. Ben oui, pour avoir un petit rôle. Parce que Steve Kerr était un réserviste avec. Exactement. Mais tu sais, que Scottie soit pas content, je peux comprendre. Mais tu sais quoi, Danny, à quelque part. Il les a faites, les erreurs. Ah ouais. Lui-même, il a dit, si ça serait à recommencer, je ferais la même chose. Hein? Moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un dise à Phil Jackson, mais pourquoi t'as pas donné la balle? La vraie raison, moi, j'ai toujours défendu Scottie Pippen. Si c'est moi le meilleur joueur, Danny, pourquoi tu prends moi? Pourquoi tu fais pas un jeu mais pour ça, que ça soit moi? Ça, yeah. Me dit en affaire, Phil Jackson, c'était tout qu'un entraîneur. Pour convaincre Michael Jordan de changer le jeu, quelqu'un qui a remplacé le style des Bulls, fallait être un bon entraîneur pour faire ça. C'est un autre, mais je veux juste te faire un commentaire. Ouais. Comme joueur de basket, si l'année que Jordan n'a pas joué, donc l'année que Pippen était le meilleur joueur, tout le monde adorait Pippen. Ouais. Okay. Pour que Phil Jackson fasse un jeu, et dans le jeu, il a demandé à Pippen de sortir le ballon, de le lancer à Tony Kukoc pour que Kukoc prenne la dernière shot, il a insulté Pippen. Personne n'en parle de ça. Même si Kukoc a rentré la shot, puis Phil Jackson, il a dit, ben, tu sais, ça faisait une coupe de game que Tony était chaud, tout ça, puis, tu sais. C'est pour ça que Pippen n'a pas embarqué. Maintenant, Pippen, je suis quasiment d'accord. Parce que, publiquement, si tu dis, je referais la même chose, t'as l'air d'un petit bébé là-là. Ouais. OK? Mais en privé, je suis d'accord avec Scottie Pippen. Peut-être que tu vas me dire, Pascal, faut t'écouter ton entraîneur. Oui. Mais c'est toi. Est-ce que, je vais te donner un exemple. Est-ce que, à la fin d'un match contre les Knicks, il reste 1,5 secondes, Phil Jackson demande à Michael de sortir le ballon puis de le lancer à Scottie Pippen pour prendre la dernière shot. Est-ce que tu penses que Michael aurait accepté ça? Non. Donc, l'année d'après, Michael n'est pas là. C'est qui le meilleur joueur? C'est Scottie Pippen. Pourquoi on donne le ballon à Tony Kukoc? Tu comprends tout ce que je veux dire? Ouais. Anyways, on passera pas la chronique sur ça parce qu'on pourra en parler longtemps. J'ai mon opinion sur ça. Je pense que Phil a bien paru. Steve Kerr a bien paru. Jordan a bien paru. Jordan, c'est sûr qu'il a bien paru dans son document. C'est le documentaire Michael Jordan. Tu sais quoi? À la fin de la journée, le monde, ce qu'ils veulent voir, c'est Michael Jordan. Effectivement. Pascal, il ne nous reste pas de temps pour. Parce que 18 minutes, c'est quand même. On se reparle du classement d'ESPN. Parfait, ça me fait plaisir. Notre ami Pascal Jobin.